deuxième rencontre nationale Énergie et territoires ruraux en Biovallée. Territoire à énergie positive et entreprise. Jean-François Caron, conseiller régional, maire de Loos-en-Gohelle, pôle d'excellence sur les éco-activités. D'une manière générale, j'allais dire l'opposé des ruraux attachés à leur lopin de terre et avec une fourche pour chasser le potentiel étranger, je caricature, mais chez nous, la convivialité est obligatoire. Et c'est ce qui fait la qualité de vie dans nos territoires. Bon, moi, je suis maire d'une commune de 7000 habitants. Bon, ça, c'est le Nord-Pas-de-Calais, ça, c'est le bassin minier. 1 200 000 habitants, quand vous parlez de 50 000... Il y a des effets d'échelle, quoi. 50 000 habitants, on connaît tous les gens, on peut engager un travail de proximité. Donc, c'est très intéressant. Je pense que ça, c'est une carte énorme pour vous. Bah, globalement, on a beaucoup, beaucoup de séquelles. Moi, je dis toujours, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans les milieux du développement durable. Ma formule, c'est « je suis la génération future du développement non durable ». De ce territoire. C'est-à-dire que pendant un siècle et demi, on a extrait du charbon, on a participé au réchauffement climatique, on a pollué, les hommes mouraient à 45 ans de la silicose. Enfin, c'est du développement non durable. Et aujourd'hui, il faut gérer tout ça. Hein. Quelquefois, on dit qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Moi, en tant que maire, je dois gérer ce qu'on nous a laissé une exploitation prédatrice. 9 puits de mine sur la commune, 8 terris. Le sol de la commune a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Donc, les bouleversements, les points bas, par exemple, bougent sans arrêt. Ce qui veut dire pour une collectivité, c'est très, très compliqué parce qu'on est très pauvre. On a à peu près 60-65% des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. On a des recettes fiscales très faibles. Et en même temps, il faut régler des tas de problèmes terribles, quoi, dont par exemple celui de la gestion des eaux et de l'assainissement. Quoi. Bon, j'arrête là parce qu'en général, on ne s'intéresse pas beaucoup aux pauvres. Donc, on s'intéresse plutôt aux gens riches, jeunes, en bonne santé et bronzés. Donc, simplement, c'était pour vous dire que notre problème, c'est la non-durabilité. Quoi. Et que depuis maintenant 20 ans, tout notre projet, c'est de construire la reconversion autour de la durabilité, mais pas par un choix de vie. Pour moi, oui, parce que je suis écolo viscéral, mais pour l'immense majorité, c'est pas du tout pour ça. C'est juste pour retrouver une perspective, une vision et arrêter la non-durabilité, quoi. Retrouver de l'eau correcte, retrouver des arbres, etc., etc. Bon, vous, c'est parce que c'est tellement beau que vous voulez le garder et l'amplifier. Nous, c'est à peu près l'inverse. Bon, on est vraiment dans une logique qui est où tous nos principes, parce qu'après, je vais donner les résultats, hein, parce que je pense qu'un des éléments de la discussion, c'est que, bon, là, l'avantage, c'est qu'on a 20 ans d'application. Premier principe, habitant-acteur, vous l'avez bien dit. Il n'y a pas de changement de modèle de développement sans une... Comme ça touche au changement des comportements et au changement culturel dans la globalité, ça ne peut pas marcher sans une logique d'habitant-acteur, enfin d'acteur, quel qu'il soit. Donc ça, c'est absolument fondamental dans la ville. On a une démocratie participative intense. Je pourrais faire 3 colloques rien pour décrire tous les dispositifs participatifs qui existent. On a une approche développement durable, c'est-à-dire c'est un raisonnement. Hein. Chaque choix, il dit qu'est-ce que ça crée comme richesse, qu'est-ce que ça crée sur le plan social et sur le plan environnemental, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que même quand on fait des politiques environnementales, qu'est-ce que ça crée comme emploi ? C'est pas seulement l'économie qui doit s'intéresser à l'environnemental, c'est encore une fois dans tous les sens. Et on s'autorise à expérimenter, ça c'est un principe que moi je développe avec la population, c'est-à-dire le droit à l'innovation, le droit à l'expérimentation, le revendique, ce qui veut dire, parce que le droit à l'expérimentation, ça veut dire le droit à se planter. S'il y a de l'expérimentation, c'est qu'il y a de la prise de risque. S'il y a de la prise de risque, c'est que ça peut, c'est pas du 100% de réussite. Et ça se débat avec la population, ce qui nous a permis d'obtenir une espèce de culture de l'innovation, enfin, si tant est qu'on puisse aller jusque-là. Et le droit à l'expérimentation, on est beaucoup polarisé sur l'évaluation. Et ensuite, c'est la généralisation dans la commune. Notre stratégie, vous avez donné quelques années là. Donc nous, dans les années 80, c'était reprendre notre destin en main, parce que la mine, c'est un univers qui vous encadre et sur lequel votre destin, il est tracé. Vous naissez, à la naissance, on sait déjà que vous allez être galibot, que vous allez, enfin tout est tracé. Les cités minières sont surveillées par les gardes. S'il y a des herbes dans votre jardin, on vous engueule, etc., etc. Et donc, dans les années 80, c'était retrouver de l'autonomie et notamment débattre autour de notre mémoire collective qui était niée d'une manière générale. On s'excuse d'être du bassin minier et c'est notamment pour ça que j'ai lancé le dossier d'inscription du bassin minier à l'UNESCO qui vient d'être reconnu à Saint-Pétersbourg au mois de juin. C'est-à-dire que le bassin minier est le premier bassin minier au monde classé comme faisant partie de l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est 20 ans d'action de reconquête culturelle, identitaire, pas au sens Front National, même si on est ravagé par le Front National, pour des raisons de désespérance, mais au sens, au contraire, retrouver une estime de soi individuelle et collective. À partir de 90, des expérimentations. Là, j'étais adjoint. Là, je deviens maire. Maire écolo dans une commune minière, je peux vous dire que c'est très particulier. En plus, juste, bon, du coup, je dis ça quand même parce que on fait toujours attention pas être trop dans la frime. Mais en 2008, j'ai été réélu avec 82,1% des voix. Et le virgule 1 est très important parce que du coup, c'est le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais. Il y a un maire de droite à côté de Lille où tout le monde a des BMW qui s'appelle Bondu, qui a été élu avec 82,0%. Le fait d'être le maire le mieux élu dans un territoire minier, ça a fait un choc des cultures en disant comment c'est possible que l'écologie appliquée dans une commune puisse être validée par une population minière, quoi, des gens qui sont des ouvriers. Du coup, notre action, elle est déclinée sur tous les registres. Donc, c'est pas pour, encore une fois, pour frimer, mais on pourrait faire un même montage comme ça sur la biodiversité, sur la participation habitante, sur l'écomobilité, etc. J'essaye d'appliquer. Et donc là, j'ai choisi vraiment les actions qui touchent à économie d'énergie et activité économique. Alors, c'est beaucoup d'éco-construction, parce que la première stratégie économique, je pense que ça s'impose de plus en plus, c'est l'économie d'énergie. Hein. C'est ça qui est le point le plus stratégique, pour plein de raisons, hein, pour des raisons sociales, parce que c'est la lutte contre la précarité, je ne sais pas chez vous, mais moi je reçois plein de gens en mairie qui ne chauffent plus leur maison, ou ils chauffent la pièce des enfants, c'est une réalité, hein, la précarité énergétique c'est terrible. Mais aussi parce que l'économie d'énergie, l'énergie non utilisée, c'est de la préservation de la ressource, etc. etc. Donc on a un certain nombre d'exemples. Alors, vous voyez, ça c'est intéressant parce que c'est un résultat d'une opération de 2001. C'était la première opération de logement social de France en HQE. À l'époque, on disait HQE, ça s'éloigne un peu maintenant. Et facture en main sur des opérations de la même époque, du même constructeur, sans qu'il y ait eu de raisonnement HQE, facture en main, on a des résultats, moins 48% sur les factures d'eau, moins 35% sur le chauffage. D'ailleurs, déjà à l'époque, c'était intéressant parce qu'on aurait dû avoir moins 65%, mais on a une perte en ligne terrible. L'architecte rabat entre les discussions entre le maire et la construction. Les habitants laissent les chambres à 22 parce que c'est isolé, donc il y a un problème de comportement. Et surtout, la mise en œuvre n'est absolument pas à la hauteur. Plus on va vers du BBC, etc., et plus la mise en œuvre est stratégique, et là, c'était pas bon. Néanmoins, on avait quand même moins 35%. Ça aide à être réélu. Hein. Quand vous avez des chiffres comme ça, pour les gens, ça percute. Bon, aujourd'hui, on est sur des résultats. Alors ça, c'est du logement très social, famille en grande difficulté. Un habitant a vu m'amener sa facture, 197 € l'an dernier pour toute son année de chauffage, pour un T4. C'est une politique sociale avant d'être une politique énergétique. Et puis ça, c'est intéressant parce que c'est la Fédération française du bâtiment, Bouygues, Vinci, tous ces gens-là, quoi, hein, c'est-à-dire à peu près mes opposés culturels, qui sont venus me voir parce qu'il y avait un certain nombre de choses dans la commune pour faire à Los Angeles 6 maisons avec 100 technologies de l'éco-construction, non pas pour en faire un village témoin, mais pour que l'ensemble des entreprises du Nord-Pas-de-Calais viennent apprendre des technologies de l'éco-construction. Tous les lycées professionnels de la région sont venus. Ce qui les intéressait, c'était le process de la construction. Aujourd'hui, elles sont habitées, personne ne vient les visiter. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la FFB est venue parce que depuis 1997, il y a une stratégie éco-construction et parce qu'il y a des outils économiques que je vais dire tout de suite après. Et ça, c'est intéressant dans l'idée de l'orientation d'aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, c'est l'économique qui vient chercher une action de terrain qui donne de la cohérence, qui donne de la lisibilité et qui fait une alliance Il préfère être allié à un écolo quand il parle d'éco-construction, quoi. En gros, c'est ça. C'est comme si vous êtes une marque qui fait de l'agriculture bio, ben, il vaut mieux aller dans le secteur qui apparaît comme étant le plus identitairement marqué, quoi. Hein? Donc, c'est une stratégie de marque, pour reprendre ce que vous avez dit sur la marque. Alors, d'autres exemples pour dire que ça s'enclenche. Notre problème n'est plus l'éco-construction, puisqu'on a à peu près toutes les réalisations. Tout, depuis 1997, tout est fait en éco-construction, bâtiments publics, logements sociaux, même il y a eu la résidence de standing, il y a des habitants qui s'y enclenchent. Bon. Par contre, ce qui est l'enjeu maintenant, c'est la rénovation. Enfin, on le sait tous, hein, depuis longtemps, le gros poste pour les familles, pour l'habitat, enfin pour l'énergie et pour l'emploi, c'est la réhabilitation. Donc là, on a un certain nombre d'opérations. On a celle-là, toujours dans la continuité de la Fédération française du bâtiment, qui est de prendre 6 logements miniers de typologies différentes, de les développer avec des éco-matériaux en réhabilitation. Donc c'est des gros programmes de recherche et développement, et de manière à généraliser aux 70 000 logements miniers. Donc il y a un énorme effet économique induit. On va passer. Et une autre opération que je lance là, qui est de prendre un quartier, cette fois-ci prendre des propriétaires occupants, donc avec des profils différents, et de regarder comment on peut faire des opérations à grande échelle de réhabilitation chez l'habitant, avec des mécanismes d'ingénierie financière, de massification des interventions, tout en respectant la liberté des habitants. Et donc on se heurte à des problèmes culturels, des problèmes financiers, mais c'est extrêmement intéressant parce que si on y arrive, alors encore une fois, on démontre les mécanismes de la généralisation de la démarche. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est les syndicats des architectes de France de Paris qui est venu me voir pour proposer cette opération en disant « J'ai vu plusieurs maires, ce qu'ils veulent tous, c'est un éco-quartier. Un éco-quartier brillant, beau, avec des éoliennes, avec du photovoltaïque, etc. etc. » Or, moi, ce que je leur ai dit quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit « On voudrait faire des choses dans la construction et tout. » Je leur ai dit « Je vous préviens, ne venez pas me parler d'éco-quartier. Ça m'énerve, les éco-quartiers. Les éco-quartiers qui tombent comme des patates dans les champs de betteraves pour faire un objet brillant, puis qu'à côté, toute la ville reste dans ces logiques aberrantes. Je fais un éco-quartier aussi. Bon. Mais intégré sur une friche, etc. » Mais ça m'énerve parce qu'il y a un côté clinquant dans l'éco-quartier, quoi. Hein? Alors que le vrai enjeu, c'est la réhab. Et donc, mais pour dire que c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, l'effet de marque fait que c'est les gens qui viennent vous chercher parce qu'il y a une antériorité, il y a des savoir-faire et que ça les rassure, comme c'est de l'expérimentation, ça les rassure. Et donc, c'est ce qu'en économie, on appelle les terreaux d'innovation. À un moment donné, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire à certains endroits. Pour dire qu'on peut faire plein d'autres choses, hein, vous en avez donné un certain nombre d'exemples. On a des espaces info-énergie. Même chose, le regroupement Nord-Picardie a demandé à venir s'installer à Losangoël pour dire « je veux le nom Losangoël pour mon agence régionale ». C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est de l'effet de marque. Mais d'autres types de choses. Vous voyez par exemple des véhicules GNV. Ça fait 10 ans que tous nos véhicules sont GNV. Tout le monde vous dit que ce n'est pas possible. Les garagistes vous disent que ce n'est pas possible, etc. etc. Bah, on a pris des GNV. Ils sont rechargés la nuit sans aucun problème. Ça tourne parfaitement bien. Ça coûte moins cher. Il y a des effets de pensée unique qui sont absolument stupéfiants quelquefois. Alors là, c'est Matra qui veut nous mettre des véhicules gratuitement. Enfin, on a des effets d'aubaine hein, aussi. On agit beaucoup sur l'éclairage public. Là, on est dans une discussion que la population sur arrêter la lumière la nuit. Donc c'est un peu compliqué, mais quand même, toutes nos nouvelles résidences sont avec des dispositifs de variateurs. Hein, et donc les discussions, c'est 10% de lumière la nuit. Enfin bon, c'est intéressant. Alors on a un certain nombre de résultats aussi sur de l'énergie renouvelable. Ça, c'est un centre de test qui est unique en France, même dans le sud, il n'y en a pas. C'est que c'est un centre de test de toutes les technologies solaires, complètement indépendant. Pour l'instant, on a 24 technologies testées, les moquettes, les tuiles, les films sur les fenêtres, tout ce que vous voulez. C'est de l'expertise indépendante. Toutes les écoles d'ingénieurs de la région travaillent avec nous parce qu'on a minute par minute le résultat de la production des capteurs et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que les bons capteurs ne sont pas forcément les bons qu'on croit. Hein, pour plein de raisons, en fonction de la saison, en fonction de la pente, en fonction du froid. Par exemple, quand il fait froid, les capteurs donnent beaucoup plus. Et donc, la hauteur du soleil n'est pas la même qu'en été. Enfin, il y a plein de choses comme ça très intéressantes. Accessoirement, ça donne des trucs sympas, comme je pense qu'on va être la première église où Dieu rayonnera sous les capteurs photovoltaïques et l'intégralité de l'église sera en solaire. Alors, dans le Nord aussi, c'est un truc à convaincre, quoi. Et même dans le Sud, d'ailleurs. On a des résultats presque équivalents à ceux du Sud en performance. Bon, vous êtes quand même meilleur, mais on n'est pas nul, quoi. On n'est pas nul. Ce qui est très intéressant, c'est que toute cette action de terrain qui a donné de la visibilité de la marque, elle s'est appuyée sur une stratégie du conseil régional. Il faut dire que je suis conseiller régional depuis pas mal de temps et donc ça aide. Où on a développé en 2000 un outil qui s'appelle le Centre de développement des éco-entreprises. Enfin, il a été préfiguration 2000 et officialisation 2004, qui est en fait un outil d'intelligence économique dédié au développement des éco-activités sur tout le Nord-Pas-de-Calais. Mais qui, du coup, c'est une expertise en termes de veille technique, juridique sur les éco-activités. C'est de l'accompagnement des filières, c'est de l'appui aux entreprises. Et ça nous a permis de développer toute une série de clusters et de stratégies très innovantes. Et c'est la rencontre entre cet outil d'animation économique et l'action dans la ville qui fait qu'on a multiplié des résultats en matière économique. On a maintenant une pépinière d'éco-entreprises qui fonctionne à plein. Donc, c'est que des jeunes qui sortent des écoles. C'est l'étanchéité à l'air, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Hein. On a une plateforme de recherche, là aussi, unique en France. On organise chaque année un congrès mondial avec les Chinois, les Américains, etc., sur les analyses en cycle de vie. Donc, analyse en cycle de vie, c'est là-dedans, combien il y a de CO2, d'où ça vient, sa recyclabilité, enfin, c'est la caractérisation de tous les matériaux. Donc, c'est en amont de tout ce qui est l'émergence des nouveaux matériaux qui ne pourront plus être issus du pétrole et du fossile. Donc, c'est stratégique sur l'économique. On est en relation avec tous les gens qui travaillent dans les matériaux. On a obtenu un pôle de compétitivité nationale. Tous les classiques productivistes se traînent sur leur ventre pour en avoir un, parce que le pôle de compétitivité, c'est vraiment le must des écoles des mines, du ministère de l'Industrie. Et nous, on l'a obtenu sur technologie environnementale appliquée aux matériaux. C'est parce qu'on avait l'analyse en cycle de vie et l'antériorité. Et donc, on gère à peu près 12 millions d'euros de R&D sur les process de recyclage. Alors, c'est par exemple aujourd'hui aller rechercher les terres rares dans les décharges pour récupérer toute une série de minerais que la Chine ne veut plus nous vendre ou alors à un prix 10 fois supérieur. C'est des tas d'actions de ce type-là. C'est les matériaux de demain. C'est la halle des éco-matériaux qu'on vient d'inaugurer sur un grand bâtiment. On a 10 maquettes. Enfin, une maquette, c'est la moitié de la salle ici, sur tous les process de la construction, avec la façon de les poser, la mesure des résultats. Et donc, c'est un outil de développement considérable de ces technologies. Et depuis cette année, là, j'ai posé la première pierre avec le directeur il y a 3 semaines. Du coup, la Fondation des apprentis d'Auteuil est venue développer dans la commune un centre d'apprentissage sur l'éco-construction. Donc, nous aurons à la rentrée de septembre 350 apprentis sur tous les nouveaux métiers de l'éco-construction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc on a le développement dans la ville, des tas de références concrètes, les outils d'animation économique, les entreprises qui viennent, les structures de recherche et développement et les structures de formation. Bon, alors tout ça, en plus, se faisant sur un site minier, un des 3 grands sites de la mémoire minière, qui est donc complètement réinvesti, qui en même temps est un haut lieu de l'UNESCO, puisque maintenant il est classé à l'UNESCO. Et ça aussi, ça joue beaucoup. C'est-à-dire que la question de la trajectoire du territoire, ça compte beaucoup plus qu'on ne croit. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tant que ça indifférents au sens qu'il y a derrière les choses. C'est pour ça que vous en avez beaucoup parlé. Et à un moment donné de la discussion, en général, quand les gens ont bu de verre, au début, ils ne parlent pas trop facilement, mais quand ils ont bu de verre, ils finissent par dire « mais j'ai dans mes grands-parents un mineur, j'ai mon grand-père qui est venu de Pologne, etc. » Et il y a l'affectif en économie, ça joue beaucoup. Et quand les gens perçoivent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a du sens, ça fonctionne. Hein. On accompagne aussi des stratégies dans d'autres territoires de la région. Par exemple, dans le territoire de l'Audomarois, qui est le marais de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est tout ce qui touche autour de la stratégie de l'eau. Et en gros, c'est comment faire émerger un cluster donc de la recherche à la formation sur les métiers de l'eau, etc. Voilà, on va terminer là-dessus pour dire que ce qui est très intéressant dans cette image, c'est la question de l'appropriation par la population de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y avait un rejet de notre histoire. Il y avait un rejet de nous-mêmes, une dépression collective dans la commune. Hein. C'est encore le cas aujourd'hui, de pire en pire, à Hénin-Beaumont, par exemple, où Le Pen approche les 50%, parce que les gens sont en désespérance et qu'il y a un problème de sens et de perspective. Et nous, on a pris ce qui était le pire, les terris, des tas de déchets. D'ailleurs, quelquefois, on lit encore des crassiers, alors que ce sont des montagnes faites à main d'homme. Ça, ça fait exactement la pyramide de Khéops. Et on s'émerveille devant les pharaons et on crache sur ce qui est passé dans les mains des mineurs. Et donc, nous, ça fait 20 ans qu'on travaille ça et qu'on a fait nos stratégies de la reconquête du territoire. Et à la fin, c'est les gens qui se sont mis à spontanément faire une écharpe de 600 mètres de long. Pendant toute l'année, ils se sont réunis dans les associations et tout, à tricoter. Et comme ça a pu être dit par tout le monde, ça sert à peu près à rien du tout. Parce que faire une écharpe qui ceint un terri, ça sert à rien du tout. Mais vous ne pouvez pas savoir comme ça vous change la vie dans la ville. Les gens se connaissent, il y a des questions de lien. Et les gens ont été d'une fierté absolue de pouvoir faire ça. Et donc moi, je réinsiste, j'ai trouvé vraiment intéressant dans votre propos la dimension d'implication habitante, quoi. Parce que quand elle est là, après il faut aussi oser prendre des risques, il faut aussi faire tout ça, mais on obtient vraiment des résultats. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.